On enchaîne avec notre troisième invité de la soirée, c'est l'agent de joueur Christophe Hutou. Bonsoir Christophe. Bonsoir monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui, parce que vous vous doutez que, vu ce qui s'est passé hier, votre tweet hier soir, l'invitation est... Et un, pour vous donner la parole, mais aussi intéressé de notre part, puisqu'on aimerait quand même comprendre et avoir une autre vision, puisqu'on a la vision de Poyet, la vision du club, mais on n'a pas la vision de la board et de son agent. Donc on trouvait quand même intéressant de pouvoir vous donner la parole. Non, mais c'est bien. Écoutez, il n'y a rien de secret, hein. Je vais pas trahir, je vais rien trahir, je vais juste dire ce qui s'est passé. Moi, je pense que si vous roulez Gustavo Poyet, un problème. Problème d'ordre psychologique, parce que à l'origine, il faut pas oublier que c'est lui qui souhaite recruter plusieurs attaquants et ne pas conserver Gaëtan. Gaëtan et Nicolas Depréville, des infos qu'on a eues. Moi, je parlerai uniquement en ce qui concerne Gaëtan, oui, vous comprendrez. C'est son choix, il a le droit. Moi, je me permettrai pas de juger un entraîneur sur son métier. C'est-à-dire que s'il décide que tel ou tel joueur ne lui convient pas, c'est sa responsabilité. J'ai pas à interférer dans ce débat. Je dis juste qu'il y a, il y a le fond et il y a la forme. Et la forme, il faut respecter ce que l'on dit. Moi, les dirigeants bordelais ont été un peu plus clairs lors de l'intersaison. Le président Stéphane Martin, Ulrich Ramé ont été très clairs avec moi lorsque nous nous sommes rencontrés pour faire un bilan et évoquer la saison suivante, donc cette saison. Ils m'ont dit, écoutez, Christophe, le coach ne compte pas sur Gaëtan. Si vous avez une opportunité qui satisfasse toutes les parties, n'hésitez pas à nous en faire part. J'ai donc travaillé, comme chacun a pu le constater, lors des matchs amicaux, Gaëtan a très peu joué, et lors du match à Benfils. Ouais, j'arrive. Pardon, ouais, moi, j'ai toujours du mal à prononcer le nom de ce club. Il s'est même permis le luxe de mettre Younous Sankaré avançant. Donc, après, les médias, les supporters ont interprété cela comme un tour de force, une forme de pression de Gustavo Poyet envers sa direction, parce que ça n'allait pas assez vite, parce que il n'avait pas les joueurs qu'il souhaitait. J'ai pas rentré une nouvelle fois dans ce débat. Je suis pas là, moi, pour juger Gustavo Poyet. J'ai pas la légitimité. Moi, ce que je vous dis, c'est l'entraîneur que je juge. C'est pas l'homme. Il est au courant, donc. Mais bien sûr qu'il était au courant. Bah, depuis le départ, non seulement il était au courant, mais c'était sa volonté de se séparer de Gaëtan Laborde. Oui, mais ça, il l'a dit lui-même en conférence de presse hier. Il l'a dit, j'avais donné mon accord à Gaëtan, le club avait donné son accord, ce qui apparemment lui a posé problème, et peut-être vous pourrez le contredire ou le confirmer dans ses propos, c'est que apparemment le club lui aurait dit, ok, on peut vendre Gaëtan Laborde. Lui avait demandé à ce qu'il y ait une recrue avant le départ de Gaëtan, et c'est ça apparemment qui lui l'a un petit peu contrarié. Oui, je comprends, mais vous comprendrez aussi que c'est pas mon problème et que c'est pas le problème de Gaëtan Laborde. Oui, c'est le problème des Girondins de Bordeaux. C'est le problème des Girondins de Bordeaux et de leur méthode de management. Nous, on a trouvé un club qui s'appelle Montpellier, qui est un super club, un club familial, qui n'a probablement pas l'aura des Girondins de Bordeaux, ça c'est une certitude. Encore que, j'estime qu'ils font plutôt bien leur travail avec un budget d'une quarantaine de millions d'euros. Bordeaux, c'est 65 millions d'euros minimum par saison de budget. Donc, mais ça, c'est un autre débat. Montpellier veut Gaëtan. Au départ, ils souhaitaient un prêt avec option d'achat. Et moi, je leur ai dit que ce n'était pas possible parce que la volonté première des dirigeants bordelais était de réaliser un transfert. Finalement, Montpellier fait les efforts nécessaires pour acheter Gaëtan. Avec un impératif, c'est que Gaëtan signe jeudi afin d'être qualifié pour pouvoir jouer dès demain contre Amiens. Bah, pardonnez-moi, mais Montpellier met près de 5 millions d'euros sur la table pour un joueur que le coach ne souhaite plus conserver, ou tout du moins le faire jouer plus que ce que le garçon peut légitimement imaginer et souhaiter. Moi, j'appelle mercredi, parce que dès mardi soir, les deux clubs se sont mis d'accord en termes, en ce qui concerne l'indemnité de transfert. Et mercredi, donc, j'ai négocié les derniers détails du contrat pour Gaëtan. Et on est tombé d'accord, nous sommes tombés d'accord, il était environ 16 heures. J'appelle le président Stéphane Martin pour lui faire part donc que nous étions d'accord sur toutes les lignes. Et que je sollicitais de sa part l'autorisation de pouvoir rallier Montpellier le soir même. Ce qu'il m'a, comment dirais-je, confirmé en me disant « Christophe, vous pouvez partir avec Gaëtan, il n'y a aucun souci, je préviens le coach immédiatement. » Nous étions mercredi. Après, Donc, il a vraiment dit mot pour mot qu'il prévenait le coach. Bien sûr. Bien évidemment. Après, je suis pas Stéphane Martin, je suis pas derrière son téléphone. Je peux pas vérifier ce que si Stéphane Martin l'a fait ou pas. Mais franchement, Stéphane Martin est quelqu'un, que les supporters l'apprécient ou pas, moi je vais vous dire ce que je pense de Stéphane Martin. Je suis agent de joueur depuis 2004 et dans le football depuis près de 30 ans, puisque j'étais journaliste sportif auparavant. Stéphane Martin n'a peut-être pas toutes les qualités, mais il a une qualité essentielle, et ça les supporters doivent le savoir, c'est que ce monsieur est d'une incroyable probité et d'une incroyable sincérité et d'une incroyable honnêteté. C'est si rare dans le football que ça mérite d'être souligné. Donc je ne vois pas pourquoi Stéphane Martin m'aurait dit « je préviens le coach immédiatement s'il ne le fait pas ». Je vois pas l'intérêt du président des Girondins de Bordeaux de me dire, de me tenir ce discours et de ne pas le faire. Donc on est à la veille du match. Gaëtan va au Hayan en fin d'après-midi, mercredi toujours, c'est important, vider son casier, récupérer ses affaires, et il croise beaucoup de gens au Hayan, dans les vestiaires. Il croise notamment Benoît Costil, il croise pas mal de monde. Donc tout le monde était au courant que Gaëtan partait mercredi soir pour Montpellier. C'est la question qu'on s'est dit, il est impossible que Gaëtan Laborde soit parti sans dire au revoir. Enfin, c'est juste limite incroyable. C'est pas dans la culture du foot, quoi. C'est pas dans la culture du garçon, qui est du club, qui est de la région. J'aurais pas réussi à croire ça. Là, je trouve qu'on a un petit peu dépassé les limites, dans le sens où c'est limite, ah mais j'étais pas au courant, le joueur il est parti. Limite, c'est le joueur, il lui a pas dit qu'il partait. C'est gros quand même. Alors, qu'il ne lui ait pas dit à titre personnel, probablement que non, et certainement que non, puisque on a bouclé les négociations avec Montpellier mercredi, il était 16h, 16h30. Quand il est arrivé au Hayan vers 18h le mercredi pour récupérer l'ensemble de ses effets personnels, Gustavo Poyet n'était pas là. Mais moi, bien évidemment, j'ai dit à Gaëtan, ne t'inquiète pas, tout est OK, le président prévient le coach, nous pouvons prendre la route. Et Gaëtan me dit, bon bah ok, j'appellerai le coach une fois que tout est bouclé, tout est signé, pour lui dire au revoir. Donc il n'y avait aucune animosité de la part de Gaëtan vis-à-vis de quiconque. C'est d'autant plus vrai que quand vous regardez les réseaux sociaux, Gaëtan a remercié Bordeaux pour lui avoir permis de devenir joueur de football professionnel. Donc quand le groupe pour Mariupol tombe, et que Gaëtan Laborde figure dans les 18 joueurs retenus par Gustavo Poyet pour affronter Mariupol, à ce moment-là, il sait, parce que alors je vous avoue que j'ai aucune idée de quand est tombé le groupe, c'est le matin, l'après-midi, je sais pas. Je pense, c'est un peu officialisé. Dans la soirée, donc. Oui, mais enfin, ça a été officialisé par le club, quand même. Ah oui, mais c'est là qu'il y a l'incompréhension de beaucoup, c'est que la communication du club est pas excellente. Des fois, on se demande même si des fois, est-ce qu'il y a vraiment un patron au Girondins de Bordeaux? Ils ont publié le groupe sur Twitter à 19h. Donc, est-ce que vous, Christophe, vous avez été prévenu, Gaëtan a été prévenu qu'il serait dans le groupe pour Mariupol? Ou pas? Pas du tout. Donc quand le club publie officiellement sur le compte Twitter officiel du club le groupe des 18 ou 19 joueurs... 10h, il est 10h quand le groupe... Ah, c'est Bordeaux. Pareil. Enfin, Gaëtan n'a pas été prévenu que ça soit à 10h du matin ou à... Mais le problème, c'est surtout que le mardi soir, il dit que le mardi soir, il y a un accord entre Bordeaux et Montpellier. À aucun moment, et c'est pour beaucoup de transferts comme ça, quand un joueur a, il y a un accord avec entre les deux clubs, rarement le joueur joue quand même quand il est en instance de discussion avec un autre club. Bien sûr. Oui, Christophe. Ben non, mais vous avez raison. J'ai une question. Est-ce qu'à un moment donné, c'est posé la question entre vous et Gaëtan? Je compte Gaëtan, et puis bon, même si Paul Bay, c'est pas un joueur qui vous concerne, qui vous concerne directement, mais est-ce qu'à un moment donné, Gaëtan, vous vous êtes pas posé la question de dire, attendons peut-être un peu, il va y avoir un changement de direction, c'est peut-être si Bordeaux se qualifie pas, ben Poyet sera peut-être pas d'ici peut-être 2 semaines ou 3, attendons peut-être un petit peu de voir ce qui va se passer pour pourquoi pas rester avec un autre coach et une autre direction à la tête du club. Non, mais si vous vous posez ce genre de questions, ça veut dire que vous êtes dans le calcul. Et chacun sait. Ben on sait que Gaëtan voulait réussir quand même à Bordeaux dans son club de formateur et qu'il a voilà. Et son club de cœur. N'ayons pas peur de le dire. Et Bordeaux restera toujours son club de cœur. Mais vous vous posez pas ce type de questions à partir du moment où on vous dit depuis des semaines et des semaines que vous pouvez partir. Quand vous avez un club comme Montpellier. Qui vous veut, qui fait l'effort financier et qui met près de 5 millions d'euros sur la table. Oui, pour Montpellier, pour Montpellier, c'est une belle somme. Ouais. Alors, c'est pas une belle somme, c'est une très belle somme, parce que Laurent Nicolas me disait, je le dis lorsque nous avons déjeuné ensemble, que Montpellier n'avait jamais investi autant d'argent sur un joueur. Donc, il y a eu un réel intérêt et une démonstration ferme de Montpellier, du président, du coach Michel Derzakarian, du directeur Bruno Carotti, pour montrer que il souhaitait réellement que Gaëtan les rejoigne au plus vite. Donc, à partir du moment où votre club ne souhaite pas vous conserver, à partir du moment où votre coach, n'oublions pas, parce qu'il faut quand même replacer aussi tout dans leur contexte, quitte à m'attirer les foudres d'une minorité. Mais l'année dernière, Gaëtan est blessé, absent plus de 4 mois à cause de cette fracture du 5e métatarse. Oui. Il revient au mois de janvier. On vous avait eu d'ailleurs dans l'émission pour faire le point sur justement sa situation. Et déjà à l'époque, vous nous aviez plus ou moins dit que... la porte n'était pas complètement fermée. Mais c'est ça, mais c'est un problème de reconnaissance, tout simplement. Mais c'est pas propre à Bordeaux, c'est pas propre à Gaëtan, c'est propre à tous les clubs formateurs qui voient l'un de leurs jeunes éclore au niveau de l'équipe 1. Vous n'avez pas le même statut, vous n'avez pas la même reconnaissance. Je continue sur mon explication. Il revient de blessure. Il est aligné à 6 reprises en début d'année civile 2018. Quel est le bilan de Gaëtan? 3 buts, une passe décisive en 6 matchs titulaires. Et ensuite, par magie, ou je sais pas, par sorcellerie, il sort de l'équipe. Et dites-moi le nombre de matchs auxquels il a participé entre la fin du mois de février et la fin de la saison. Très peu. Il repart entre guillemets sur le banc au moment où on prend Braithwaite pour. Poyet a quand même amené devant les supporters le fait que si De Préville et Laborde n'étaient pas titulaires sur le match contre Ventspils et que c'était sans carré devant, c'est qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'engagement mis par ces joueurs à l'entraînement. C'est ce qui a été dit par Gus Poyet. Ce qui a été dit par Gustavo Poyet aux supporters bordelais. Peut dire ce qu'il veut, mais il dit quand même souvent tout et son contraire, ce brave Gustavo. Non mais attendez, je veux dire, il y a un moment donné, ne jouons pas les vierges effarouchées. Avant d'arriver à Bordeaux, il a fait 5 clubs, il a été viré 5 fois. Régulier, il est régulier. Il a bon passé. Il est un peu comme à Bordeaux, il est régulier, pas forcément mais bon. Non mais vous pouvez pas me contredire, on m'aime, on m'aime pas, on me croit pas. Mais ça, c'est du factuel, non ? Il avait quand même, sur sa période bordelaise, Damien Mathieu, le journaliste de Goal.fr, en parle. Adrien, c'est mon pote, un pote qui s'appelle Damien Mathieu. Il nous en parlait. Le bilan sportif, on va parler que du bilan sportif de Gustavo Poët. Il est bon. Il n'est pas mauvais, enfin, il est même plutôt bon. Non, il est bon. Compte tenu de la situation qu'il a trouvée en arrivant, il est bon. Plutôt bon, quoi. Il est bon. Il n'est pas plutôt, il est très bon. puisqu'il a pris une équipe qui était moribonde et il en a fait une équipe qui a terminé à la sixième place. Et qui était sympa à voir jouer. Ouais, ouais, mais complètement. C'est pour ça que je dis, ne nous méprenons pas et ne tapons pas à bras raccourcis sur Gustavo Poyet. En tout cas, moi, je me refuse de le faire parce que déjà, j'ai pas la légitimité pour le faire et puis, je ne veux pas outrepasser mon rôle. Moi, je parle uniquement de Gaëtan Laborde. Je parle pas du reste. Moi, je suis le représentant de Gaëtan. Alors, quand je vois, quand j'entends et quand je lis. Que certains osent dire mais Gaëtan n'a pas fait une grande saison l'année dernière. C'est une bonne saison. Expliquez-moi comment il aurait pu faire une bonne saison. Il est blessé 4 mois. Ah ouais, mais après il fait combien une bonne demi-saison. Rémi, moi j'avais une question, c'est par rapport à la Borde. Il faut savoir en début de saison c'est son choix, c'était comme rester à Bordeaux ou vraiment oui, partir. Non, rester à Bordeaux puisque nous avons refusé plusieurs propositions. D'accord. Aussi bien en France qu'à l'étranger. C'est pas un secret, hein. Non plus que je dévoile, puisque bon nombre de directeurs sportifs et de coachs l'ont déclaré, d'autres clubs l'ont déclaré dans les médias qu'ils voulaient et qu'ils souhaitaient Gaëtan. Et puis Bordeaux a eu un grand nombre de Stéphane Martin et Ulrich Ramé ont eu un grand nombre de présidents et directeurs sportifs qui ont pris attache avec eux pour s'adjoindre les services de Gaëtan. Après, la plupart d'entre eux souhaitaient un prêt ou un prêt avec option, et effectivement, Bordeaux refusait dans un premier temps la possibilité d'un prêt ou d'un prêt avec option. Mais Gaëtan également, Gaëtan ne souhaitait pas être prêté une quatrième fois, n'oublions pas qu'il a été prêté 3 fois oui. depuis qu'il est professionnel, et soit il restait parce qu'il y avait une concurrence saine, et c'était à lui de s'arracher, comme il l'a toujours fait depuis le début de sa carrière, pour comment dirais-je, s'imposer ou jouer le maximum de temps, ou partir de façon définitive pour grandir. Adrien. Oui, c'est non, c'est surtout pour connaître les relations entre Poyet et Laborde, vu qu'on on vous avait très bonnes, elles étaient très bonnes. Mais non, mais c'est là où il y a un vrai paradoxe. Gustavo Poyet était proche de ses joueurs à l'entraînement la semaine. Il n'y avait pas de problème relationnel avec ses joueurs. Ce sont ses choix qui étaient pour le moins surprenants. Ils faisaient des mises en place parfois en milieu de semaine dans l'optique du match du week-end et ils changeaient 2h30, 3h avant le match, ils donnaient une autre composition d'équipe. Et ça, un grand nombre de joueurs le prenaient mal parce qu'ils ne savaient pas. Il savait pas où se situer et comment réagir. Après, là aussi, je ne condamne pas parce que c'est une méthode de management pour garder l'ensemble de ses joueurs et de son groupe sous pression. C'est peut-être pas une mauvaise chose, mais tout ça pour vous dire que Gaëtan n'a jamais eu le moindre problème relationnel avec Gaëtan. C'est d'autant plus vrai que, et je vais vous faire une confidence, c'est que jeudi, donc hier, à quelques heures du match, il était midi un quart, midi et demi, Gaëtan et moi-même étions à table avec Laurent Nicolin, Michel Mézy, Bruno Carotti et d'autres membres du club de Montpellier lorsqu'il a reçu un coup de téléphone de Gustavo Poyet. C'est ce que Gustavo Poyet a expliqué hier en conférence de presse, oui, qu'il avait appelé Gaëtan et il lui dit que coach, je suis à Montpellier. Mais... Cyril. Alors, j'entends que Gaëtan et M. Poyet avaient plutôt de bonnes relations, mais par contre, moi, je me mets à la place de Gaëtan, je vis très très mal cette période de préparation et de début de saison, où il semble faire partie des plans sur les 2-3 premiers matchs, où il est en concurrence avec Depréville, et tout d'un coup, envoie lors du dernier match amical, Sankaré testé en pointe. Pareil pour le match aller à Ventspils. Est-ce que c'est à ce moment-là que Gaëtan se rend compte qu'il est sur la liste des transferts? Enfin, qu'il est plus désirable, qu'il est plus désiré par Gustavo Poyet? Non, c'est pas à ce moment-là. C'est pas à ce moment-là, parce que les dirigeants bordelais ont toujours été très clairs, très francs, très sincères avec nous. Ils nous ont toujours dit qu'ils allaient recruter un neuf athlétique, dans un autre registre que Gaëtan. Dans le but d'avoir plusieurs profils pour cette saison. Donc on s'attendait réellement, et Gaëtan acceptait la concurrence d'un œuf qui allait arriver, et qui arrivera d'ailleurs peut-être probablement, pour ne pas dire très certainement, dans les prochaines heures ou les prochains jours à Bordeaux. Non, ce qui est là où vraiment il a pris un coup sur la tête, c'est lorsque Jimmy Briand est arrivé. Parce que là, on n'était plus dans le target man tel qu'il est décrit et tel profil est recherché par le club. Mais là, on était sur l'arrivée de Jimmy Briand. Donc ça voulait dire qu'il y avait encore un œuf qui allait arriver. Il y avait Jimmy Briand et Gaëtan. Convenez qu'à ce moment-là, vous vous posez non plus des questions, vous avez que des certitudes. C'est « je ne compte pas aux yeux du coach ». Sans compter, on oublie aussi le petit Mendy, mais qui va revenir de blessure aussi très prochainement, et qui pouvait être... Très prochainement, je suis pas aussi optimiste que vous, malheureusement pour lui. Faut espérer le pauvre, parce que ça fait mine de rien, ça va bientôt faire, pas un an, mais... Ouais, en décembre, ça fera un an, donc faut espérer pour lui. Marc, pour conclure. Ouais, pour conclure, c'est qu'au final, on parle beaucoup de Gaëtan Laborde, comme quoi il a été... il est attaché au club, et ça, on le croit volontiers. Moi, la question que je me pose, c'est dans quel état aujourd'hui, parce que je pense qu'il doit quand même suivre les Girondins, il a dû voir ce qui se passait. Il est indirectement dans le sujet, puisque Poyet s'en sert comme le sujet qu'il fait. Comment il se sent aujourd'hui, comment il a vécu? Écoutez, quand on en a parlé il y a une petite heure, puisqu'il m'a confirmé qu'il était qualifié pour disputer le premier match avec Montpellier demain. Il a été très surpris. C'est moins qu'on puisse dire par tout ce qui se passe. Très surpris d'entendre le discours de Gustavo Poyet à l'issue de la rencontre. Après, voilà, il a tourné une page. Il a tourné une page. Moi, je dis juste qu'il est dommage. Que ça se termine un peu en mode boudin, quoi. Mais complètement. C'est un garçon qui vient juste d'avoir 24 ans. Savez-vous combien il a marqué de buts depuis qu'il est professionnel et combien il a marqué de buts à Bordeaux depuis qu'il est revenu de près de Clermont? Je vous avoue que j'en ai pas la moindre idée. Il a marqué 49 buts depuis le début de la carrière. J'allais dire 50, j'étais pas loin. Et depuis qu'il est revenu de Clermont, il a marqué... c'est ça, 17 ou 18 et avec 6 passes décisives. On parle d'un môme de 24 ans. C'est pas mal, non? Oui, et puis surtout la bonne fin de saison de la preuve. Alors, parce que on a tellement des coachs que je me mélange. L'année la KLM, c'est la première année de Gourvennec. Voilà. Oui. Pour finir, on vous envoie on vous fait passer à Gaëtan Laborde une invitation pour intervenir un jour dans GA. Bah, il le fera avec plaisir, bien sûr. Il a aucune animosité, hein, que les choses soient claires. C'est juste une page qui se tourne. C'était peut-être nécessaire pour sa progression en tant que footballeur professionnel, en tant qu'homme également. Il arrive dans un club, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Montpellier, qui est un club très familial, sans que cela soit péjoratif, bien évidemment, avec un nouveau statut, à savoir le joueur qui aura été acheté le plus cher depuis la création du club de Montpellier. C'est pas rien, il va falloir le porter. Faut l'assumer, oui. Ouais, faut l'assumer, mais je sais qu'il l'assumera. Je sais qu'il l'assumera, et puis, il gardera toujours, mais vraiment, sincèrement, vous pouvez me croire, les Girondins de Bordeaux dans le cœur, parce que c'est son club, bien évidemment. Mais il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de rancœur. La carrière d'un footballeur est ainsi faite. Il faut avancer, il ne faut pas regarder derrière, il faut se servir du passé pour ne pas renouveler des erreurs, si vous en avez commises. Pour ne pas les renouveler. Et puis regardez devant et souhaitez la meilleure saison possible aux Girondins de Bordeaux. Et je sais que Gaëtan restera un supporter des Girondins de Bordeaux à vitam aeternam, sauf lorsqu'il jouera contre Bordeaux, bien évidemment. Bon, il sera blessé ce jour-là. Non, par contre, petite justement, blessure diplomatique. Vous me lancez, je l'avais préparé, là, j'ai la petite page de l'AFP devant avec le calendrier des Girondins. Le 20-10, le week-end du 20-10, oui, du 20 octobre, il y a un petit Montpellier-Bordeaux, c'est... Ça peut être le vendredi avant le match ou le lundi après le match. Le rendez-vous entre Laborde déjà pour parler de ce match et pour lui souhaiter un bon courage pour la saison. Je vous promets que je ferai le nécessaire pour qu'il réponde à vos questions. Il le fera avec grand, grand plaisir. Mais on le fera après le match. Ouais. Hein, quand on aura gagné comme ça. Ça sera plus simple pour nous. Je vous avoue. Il a marqué un but, on a gagné là. Une dernière question peut-être un petit peu indiscrète sur le transfert, sur la transaction. Y a-t-il on nous demande sur le chat, y a-t-il un pourcentage oui, sur la revente. Oui. De combien? Vous permettrez de ne pas le dévoiler. Vous permettez d'essayer quand même. Bonjour, juste mais y a, on l'a tenté. On l'a tenté. Mais il y a un pourcentage. Il y a un pourcentage. Et les intérêts des Girondins de Bordeaux ont été vraiment bien défendus par Stéphane Martin, en l'occurrence. D'ailleurs, il est bon d'ailleurs. D'ailleurs, à ce sujet, si je peux me permettre, lundi, je l'ai rencontré dans son bureau avec Ulrich Ramé. Et j'avoue que par moment la discussion a été un peu difficile, tendue, parce que quand je voyais le tarif que l'on demandait pour le transfert définitif de Gaëtan, alors qu'il a pas coûté un centime à Bordeaux, hein, ils l'ont formé, mais n'oubliez pas que j'ai fait le nécessaire pour qu'il soit prêté à 3 reprises, donc pendant 3 ans il n'a pas coûté un centime. Et contrairement à certains joueurs que Bordeaux prête et pour lesquels Bordeaux peut être amené à participer au salaire, les trois clubs, que ce soit le Red Star, que ce soit Brest ou Clermont-Ferrand, à chaque fois, ils ont payé 100% du salaire de Gaëtan. Donc c'est pour ça que j'étais à un moment donné, j'étais irrité, parce que et c'est ce que j'ai dit à Stéphane, on se retrouve dans une situation qui est la volonté du coach de ne pas souhaiter conserver Gaëtan comme un joueur cadre, je dis pas titulaire, il y a une différence entre titulaire et cadre. Un joueur cadre, c'est un joueur qui va faire partie du roulement. Mais on nous avait promis 6 joueurs offensifs pour 3 places, avec le nombre de matchs, je l'espère, parce qu'il y a quand même un rendez-vous un peu plus important contre la Gantoise. Jeudi prochain. Jeudi prochain, et ça sera pas facile, croyez-moi. J'ai pu voir, moi, la Gantoise à plusieurs reprises dans le cadre de mes activités professionnelles la saison dernière, et c'est vraiment une très bonne équipe. Ah, c'est pas le moment pour les jouer, pour les Girondins, vu le contexte sportif. Ah oui, là, c'est sûr que c'est... Oui, la cote sera pas pour les Bordelais. Oui, mais vous pouvez compter sur Eric Bédoué, il l'a prouvé l'année dernière, hein, quand il était sur le banc pour remplacer au pied levé Jocelyn Gourvennec, qui sera pas l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, hein, on est bien d'accord. Ouais. Vous m'avez pas posé encore la question, mais je suppose avait plus ou moins, enfin, on se doutait plus ou moins que c'était, oui, que c'était... Oui, non, c'est une rumeur. Chez moi, on dit à la mort moelle neuve. Mais chez nous aussi, hein. Ouais, chez nous aussi. On le dit autrement aussi. Comment alors? Ouais, voilà, ça marche aussi, c'est vrai. Donc non, voilà, tout ça pour vous dire que vous pouvez compter sur Eric Bédoué. Moi, je connais l'individu. C'est un grand professionnel qui connaît super bien son travail, qui est d'une grande probité, d'une grande honnêteté intellectuelle. Et je doute pas une seule seconde qu'il saura préparer son équipe pour cette double confrontation importante, hein, pour les Girondins de Bordeaux, parce qu'il est important pour tout le monde, hein, pour le club, pour vous, supporters, pour vous, médias, mais aussi pour moi, parce que y a Gaëtan Laborde, mais il y a aussi d'autres joueurs qui pourraient éventuellement arriver, dont je gère les intérêts. Vous me permettrez là aussi d'être... Vous me permettez d'essayer quand même. mais voilà, c'est important bien sûr qu'il se qualifie pour les phases de poule de la Ligue Europa, et puis ça amènera un petit peu plus de sérénité au club. Maintenant, convenez que c'est compliqué pour les dirigeants actuels de gérer le club au quotidien, compte tenu que le club est en train d'être vendu. Lorsque vous devez référer à 2 entités, l'actuel propriétaire et le futur, éventuellement futur propriétaire, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Pour ça que je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui tapent sur Stéphane Martin. Je trouve que c'est vraiment d'une grande injustice, parce que parce que l'homme ne le mérite pas, et je crois que lui aussi a montré, à l'instar de Gaëtan, que c'était un vrai amoureux des Girondins de Bordeaux. Mais il y a une situation qui est compliquée à vivre pour tout le monde, à gérer pour tout le monde. Je crois qu'il faut garder son sang-froid et avancer et regarder. En tout cas, Christophe Hutto, on vous remercie déjà d'avoir accepté notre invitation. Et puis, vous pouvez. Et on souhaite à Gaëtan de marquer dès dimanche. On souhaite à Gaëtan. Il peut jouer demain. Oui, il est qualifié. Il peut jouer. La bonne nouvelle de la journée, il a fait son premier entraînement ce matin. Et je reçois un coup de téléphone juste après l'heure du déjeuner du manager général. Michel Mézi, il me dit, oh là là, j'ai vu Gaëtan, l'entraînement, il est énorme. Alors, mais tant mieux. Je dis oui. Je dis, pourquoi t'en as douté? C'est-à-dire, il n'avait pas regardé avant. Attends, c'est quand même. Je pense qu'ils n'imaginaient pas que Gaëtan était bien dans sa tête, parce que pour lui, c'est un échec de quitter Bordeaux. C'est une étape supplémentaire. Et ça, je crois que c'est important de le marteler. Et c'est important de le rappeler et de le préciser. Maintenant, pardonnez-moi si j'ai pas été vis-à-vis de Gustavo Poyet, ce type. Ah non, non, mais. Ce n'est pas ce qu'on attendait. Hein. Oui, voilà, rassure de suite. J'ai juste essayé d'être objectif et de dire les choses sans haine, sans rancœur, et puis souhaiter le bien à tout le monde, voilà. Il n'y a pas de souci. C'est important. Nous le ferons parler dans l'émission, c'est ce qu'on aime. Merci beaucoup, Christophe Hutto, et puis bonne continuation à Gaëtan. Et qui sait, peut-être. On le retrouve après le match contre. Les transferts qui se font dans un sens peuvent, quelques années après, se refaire dans l'autre, on ne sait jamais. Mais. Pourquoi pas. La vie est un éternel recommencement. Et voilà. Merci beaucoup, Christophe Hutto. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir.